dimanche suivant, M. de Galais répond à mon coup de sonnette. Mon était parti pour un très long voyage. On ne savait pas quand il reviendrait. Je suis devenu le compagnon fidèle d'Yvonne de Galais, compagnon d'une attente dont nous ne parlions pas. La jeune femme de mon ami devait être mère au mois d'octobre. À mon retour de vacances, j'arrivais aux Sablonnières.